L'actualité à Nancy et ailleurs. Thibaut Roland, bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur et programmateur du Nancy Jazz Pulsation, 51e édition cette année. La prog est lancée, ça y est. Il y a eu quelques noms qui ont été sortis ces dernières semaines. Donc un petit mot sur cette prog. Écoute, une prog assez dense et éclectique finalement après ce 50e anniversaire fêté en grande pompe l'année dernière. On a des grands noms, tu l'as suggéré, Véronique Sanson notamment, mais aussi Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton avec le pianiste Baptiste Rotignon. Et puis on a des groupes rares comme Hiatus Coyote qui viennent d'Australie ou Godspeed You Black Emperor, le post-rock à l'autre canal. Et puis il y a aussi une grande soirée de jazz, Richard Bonnat, le bassiste camerounais avec aussi Christian Scott, le trompettiste de la Nouvelle-Orléans et un groupe de jazz cubain et le comité. Et puis il y a aussi Brad Meldo à l'opéra, Pat Metheny à l'opéra, et puis deux chapiteaux rap notamment, un rap indé avec Hugo TSR, Prince Wally et Isha Limsa, et puis un autre avec Yamé, Tiff et Anna Tijoux qui est un peu plus rap R&B on va dire, et puis de l'électro au Magic tous les soirs avec plein de pépites à découvrir de toutes les couleurs, certaines plus disco, certaines plus rap, d'autres plus rock ou funk, enfin il y en a dans tous les goûts au Magic Mirror pour faire des belles découvertes. À la Manufacture, toujours une belle prog jazz de la diversité du jazz d'aujourd'hui avec du jazz oriental, du jazz vocal, du jazz manouche, etc. Et puis on a aussi au chapiteau une soirée pop rock avec les Stranglers et Isaac Delusion qui vient compléter le plateau. Et puis il y a vraiment plein de choses à découvrir, notamment aussi pour les plus petits avec une programmation enfant pour les 6 mois 15 ans, voilà, à travers plusieurs spectacles au Magic mais aussi à la Manufacture. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, l'électro, je le disais, au Magic mais aussi à l'autre canal avec une grande soirée couronnée par Compromat, le duo Vitalik Rebecca Warrior. Il y a aussi Jacques sur ce plateau là, le trublion qui fait de la musique avec des objets et des bruits environnants. Et puis il y a aussi Can Blaster et le groupe nancéen Hippon sur cette soirée. Puis il y a une autre soirée un peu débilos comme ça, électro à l'autre canal, qui est je l'ai appelé Electrol, puisque ce sont tous des ils tournent tous en dérision la musique. Je pense à Bagarre qu'on a déjà annoncé, mais aussi à Roland Cristal qui est en fait instituteur dans la vie quand même et qui fait une sorte d'EDM un peu débile comme ça, mais génial, vraiment génial à voir. Et puis il y a d'autres groupes sur cette soirée là dans le même genre, là, dans ce sillon un peu loufoque. Et après, alors il y a les lieux phares, il y a le chapiteau au Parc de la Pépinière, la salle Poirel, l'autre canal, mais on sait aussi que le festival s'exporte pas mal de manière plus occasionnelle. Il y a des nouveautés justement sur ces lieux cette année? Il y a un partenariat important sur le Nancy Jazz Tour avec le Grand Louis, où on a une 15 artistes, 15 dates, donc 15 jours de concerts gratuits autour du Grand Louis, avec aussi une date au Luxembourg et une en Belgique. Ça c'est assez notable, et donc au total on a une 23 concerts environ dans ce Nancy Jazz Tour qui va du 54, 55, 57, enfin toute la Lorraine et un peu comme je disais la Belgique et le Luxembourg. Et puis après on continue comme d'habitude d'aller dans les lieux médico-sociaux, dans les écoles, les collèges et les lycées, dans les lieux étudiants aussi à l'université et au restaurant universitaire. Et voilà, à travers de nombreux partenariats, on refait le partenariat avec les bibliothèques de Nancy, mais cette fois la médiathèque de la Manufacture que j'ai eu la chance de découvrir, que je trouve assez ouf, hein, elle est vraiment dingue. Et donc là on refait ce qu'on avait appelé l'année dernière une conversation musicale où on accueille un groupe qui questionne le jazz et un élément de société, en l'occurrence le jazz et l'Orient, et cette année. Et puis on a aussi Jazz Up Europe, ça c'est plus d'une centaine de professionnels européens qui vient à Nancy pour parler de la question de ce new jazz, de ce jazz qui se danse, qui se vit debout, qui est réinventé par l'électro, par le hip-hop et par des genres qu'il a lui-même finalement enfanté à travers l'histoire de la musique. Et donc ça c'est deux jours importants à Nancy où on va aussi à la MJC Lillebonne, on va au LEM, et puis on va faire la fête bien sûr au chapiteau et au Magic Mirror la nuit. Les festivals et notamment le NJP, c'est aussi donner de la visibilité à des jeunes artistes qui vont éclore un peu plus tard. Le conseil du programmateur, du directeur cette année, l'artiste à ne pas rater qui va certainement percer. Toujours difficile à dire, hein, mais l'année dernière j'avais misé sur Clara Isé à la Pep en fête. Je crois que je ne me suis pas trompé. Cette année, j'ai choisi Yann Verstraten, un petit peu sur le même créneau, qui est un Belge qui fait de la pop. Qui je pense a de belles heures devant lui. Après il y a Sam Quelly, l'Australienne qui vient au Magic Mirror, la danseuse, performeuse, qui est je pense aussi une belle trajectoire. Et puis dans le cadre du Jazz Up Europe dont je parlais, cette scène New Jazz, on a un Magic Mirror qui joue juste dans la foulée de la fin du concert de Véronique Sanson au chapiteau. On a Léon Fall qui était notre lauréat Jazz Up 2019, qui aujourd'hui vient de signer chez Sony, a une vraie belle un vrai boulevard devant lui, et voilà, si vous ne connaissez pas, allez écouter, c'est vraiment du jazz hyper accessible. Quand on ne connaît pas le jazz, on commence par ce type d'artiste. On rappelle les dates, on donne rendez-vous ? Du 5 au 19 octobre, on n'oublie pas le week-end d'ouverture. Nancy Jazz Poursuite, des concerts gratuits au marché, dans les rues de la ville et dans les bars le soir, aussi au Théâtre Mont-Désert et aussi au Magic Mirror ce soir-là. Et puis le lendemain, on a une grande cycloparade, on réitère cette cycloparade de l'année dernière, qui se conclura elle aussi le dimanche après-midi au Magic Mirror avec un spectacle d'électro-vélo. Merci Thibaut Roland. Merci Aurélie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.